Oui, alors les marchés financiers, c'est une chose, mais là, je vais arriver à cette question de la monnaie par en fait l'observation de, en quelque sorte, la topologie, c'est un bien grand mot, du réseau qui permet à tout ça d'exister, cette interaction collective. En fait, ce générateur poétique, j'en ai fait deux versions essentiellement, disons, d'un point de vue architectural. Une version centralisée, à savoir que quelque part on met un ordinateur et puis quand les gens dessinent, eh bien les modifications de leur dessin est envoyée par des lignes téléphoniques, que sais-je, vers cet ordinateur. Là, cet ordinateur agrège toutes les modifications des dessins des uns et des autres, fabrique l'état courant du dessin collectif qui est envoyé vers tout le monde. Donc on a un système centripète d'abord et centrifuge ensuite, en tout cas centralisé. Il y a quelque part un point qui agrège toutes les modifications des uns et des autres et qui redistribue tout ça à tout le monde. Et en fait, ça c'était la première version que j'ai faite en 87, et puis il y en a eu d'autres de ce type après. Et quand j'ai observé ça, je me suis dit, tiens, ce système, cette architecture de réseau ressemble à une sorte de perspective, au sens de la perspective de la Renaissance. C'est-à-dire que ce point-là, ce serveur-là qui est situé quelque part, qui pourrait être satellisé autour de la Terre et bouger, peu importe, mais ce point qui, à l'instant T, agrège les communications des uns et des autres, c'est une sorte de point de fuite. De point de fuite d'une représentation qui n'est plus spatiale, pas de notion d'espace dans cette histoire, mais plutôt d'une représentation qui est la représentation du collectif interagissant à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc c'est plutôt un espace sémantique, un espace imaginaire qui n'est pas directement lié à l'espace physique. Donc s'il s'agit d'une perspective, ce n'est pas une perspective spatiale, mais on retrouve bien un point de fuite. Alors, quelle est la nature de cette perspective si elle n'est pas spatiale? Eh bien, à mon sens, cette perspective, elle est temporelle. Pourquoi? Parce que émerge au point de fuite, dans le serveur, une valeur, en l'occurrence pour le générateur, une image, instant après instant, au fur et à mesure que les informations parviennent à ce point de fuite. Et émerge une sorte de temps propre qui raconte des histoires et qui rythme la vie du collectif qui l'utilise pour s'actualiser, pour se représenter. Une sorte de temps subjectif. Et donc je me suis dit, bah, tiens, cette architecture du réseau correspond, établit une forme de perspective qui n'est plus spatiale, mais temporelle. Une perspective temporelle, avec un vrai point de fuite, qui est l'homologue d'un point de vue, qui est le point de vue de bah, l'auteur du dispositif. Par exemple, dans le cas du générateur poétique, le point de vue, c'est moi, puisque j'ai créé le dispositif. Donc, en fait, en créant ce générateur, je livre finalement un système, une architecture, un dispositif que tout le monde peut comprendre. Il y a quelque part un point de fuite. Est-ce que l'homologue d'un point de vue, c'est le mien? Ça pourrait être n'importe lequel, mais c'est le mien là, bon. Et qui fabrique une histoire et voilà, une perspective temporelle. Et alors c'est déjà quand même important parce qu'il faut imaginer que à la Renaissance, l'invention de la perspective spatiale a quand même été quand même un moment de l'histoire assez consistant. Hein, il a été plus ou moins contemporain de l'invention de l'imprimerie, mais la plupart des gens pensent à la mutation que l'imprimerie a induit dans la politique, dans les comportements, etc., et dans la culture. Moi, je crois que la perspective, la mention de la perspective spatiale, est au moins, si ce n'est plus importante que l'imprimerie. Parce que ça a permis aux architectes, aux ingénieurs de travailler ensemble. Enfin, c'était une sorte de langage commun de représentation de l'espace. Et puis, au-delà, c'est une forme symbolique qui est extrêmement puissante, puisque on a, à l'époque de la Renaissance, confié à un dispositif géométrique le soin d'organiser l'espace de la représentation, au sens la représentation, y compris symbolique, religieuse et politique. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a admis que, que cette forme de représentation était valide, légitime, on a représenté les personnages dans la représentation perspective suivant la distance au point de vue, et non pas suivant leur importance religieuse ou économique, ou etc. Ce qui était le cas au Moyen-Âge. Et alors j'ai fait d'autres mises en œuvre de ce générateur, mais cette fois en utilisant un réseau complètement accentré. Alors je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en tout cas il est possible de faire, disons sur un réseau peer-to-peer, le vocabulaire est passé dans la mode maintenant, une interaction collective sur le réseau. Temps réel et accentré. Il est possible de se passer d'un serveur central. Donc plus de points de fuite temporels. Pourtant, il y a bien aussi, dans l'interaction collective, émergence d'un temps propre. Mais où émerge-t-il ce temps propre? Le point de fuite a disparu. Alors j'ai regardé la topologie, la structure du réseau qui permet de faire cette interaction collective. Et en fait, je me suis dit, mais où est le point commun entre tout le monde? Ou entre les ordinateurs de tout le monde, puisque évidemment on interagit via un dispositif technique quelconque, mais disons un ordinateur. Chacun voilà, est équipé pour interagir, il y a une certaine interface. Où est le point commun entre tout le monde? Donc s'il n'y a plus de point de fuite temporel, où est-il? S'il y a un nouveau point de fuite, où est-il? Et en fait, quand on regarde bien la structure de tout ça, la seule chose qui est véritablement partagée entre tout le monde, c'est un code. C'est-à-dire le code sous couvert duquel on échange. Le code qui permet de se reconnaître à l'intérieur du réseau et de faire en sorte que les informations que j'émets vers le réseau et celles que je reçois sont en quelque sorte émises et reçues sous couvert de ce code qui permet de pas, voilà, d'être à l'intérieur de l'interaction. Donc c'est un code complètement arbitraire qui constitue finalement le centre, entre guillemets, un centre encore moins physique que l'autre, du dispositif. Et là, dès lors, on peut définir non plus une perspective temporelle, mais une perspective numérique. Dans le réseau, il y a deux nouvelles perspectives qu'on a inventées grosso modo depuis l'invention du télégraphe, hein, parce que le télégraphe fonctionnait selon un mode de perspective temporelle déjà. Maintenant, on est en train d'inventer encore depuis 30 ans une nouvelle perspective qui est une perspective numérique, accentrée, dont le point de fuite est un code, donc c'est un code de fuite. Et alors là, on en vient à la monnaie.